Après la dernière bataille d'Anne de Bretagne, ses charniers, puis le massacre des Sioulakota de Wooden Knee en 1890, le magazine d'archéologie de France Culture plonge ce soir dans les origines de la guerre. L'art de la guerre, c'est bien entendu l'incontournable ouvrage de Sun Tzu, daté de la fin du VIe siècle avant notre ère, œuvre majeure qui a inspiré tant de généraux et de joueurs d'échecs, mais pour autant, à quand remonte l'émergence de cette violence de masse ? On le sait depuis peu, les conflits sont bien attestés en Europe néolithique, avec quelques découvertes exceptionnelles. Il y a 7000 ans à Thalheim et Exheim en Allemagne, il y a 5000 ans à La Guardia en Espagne, mais tout cela est bien trop récent, tardif, pour percevoir et comprendre l'émergence du phénomène. Pour appréhender la naissance des conflits, il nous faut alors changer d'angle, comme de chronologie, se rendre sur le continent africain et remonter le temps pour découvrir les prémices de la guerre dans deux sites, l'un au Soudan, l'autre au Kenya. Aujourd'hui, au Soudan, Jebel Saaba vient de faire l'objet d'une nouvelle étude parue la semaine dernière dans la revue Scientific Report. Mes invités en sont les auteurs. Isabelle Crèvecoeur, Daniel Antoine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Crèvecoeur, vous êtes anthropologue, chargée de recherche au CNRS dans le laboratoire Passea de Bordeaux. Daniel Antoine, vous êtes conservateur, chef du département Égypte et Soudan au British Museum. C'est vous qui détenez les extraordinaires squelettes découverts au Soudan. Isabelle Crèvecoeur, le site de Jebel Saaba a été fouillé en 1965-66 par Fred Wendorf. Pourquoi revenir relancer une étude multidisciplinaire sur cette nécropole ? Quelles étaient vos ambitions ? Alors d'abord, il faut savoir que ce site, il est vraiment exceptionnel. Hein. Il a été retrouvé un petit peu par hasard dans le cadre d'un grand programme de fouilles programmé de sauvetage lancé par l'UNESCO au moment de la construction du barrage d'Assouan. Et en fait, on a retrouvé donc cette nécropole, ce cimetière, avec plus d'une soixantaine d'individus qui étaient extrêmement bien conservés et dont certains présentaient sur leurs ossements des morceaux de flèches fichées dans les ossements. Donc c'est un site comme il y en a très très peu sur Terre en termes de préservation et de contexte. Et donc si ce site il a été fouillé dans les années 60, à la fin des années 60, en 68, Fred Wendorf va faire une monographie sur ce site en présentant de manière très détaillée toutes ses découvertes, et ça va vraiment faire de ce site quelque chose de très emblématique par rapport à ces violences interpersonnelles qu'il y a pu avoir dans le passé, et faire de Jebel Saaba une icône pour la préhistoire sur les questions de violence et peut-être d'émergence de la guerre. Et en fait, il faut savoir qu'il y a pas eu de réévaluation après cette monographie de l'ensemble de la collection. Et si ce site il a été repris et réutilisé moult fois dans la littérature, en fait, il restait trois grandes questions qui demeuraient. La première, c'était sur la nature du cimetière. Est-ce que c'était un cimetière de catastrophe ? Est-ce que c'était lié à une crise de mortalité, à un seul conflit unique ? Un massacre, par exemple. Est-ce que les lésions qui étaient observées, dans certains cas, c'était évident que c'était lié à des flèches, mais est-ce que les autres lésions, certaines éraflures, étaient-elles vraiment toutes liées à des projectiles ou à peut-être à des traces de découpe, à quelque chose qui est peut-être lié à un processus plutôt funéraire ? Et la troisième grande question, c'était de savoir si les outils lithiques retrouvés avec les individus dans les tombes, est-ce que c'était des restes de ces projectiles, de ces armes qui avaient malheureusement atteint ces individus, ou est-ce que c'était des offrandes funéraires voilà, quelle était la nature de cet assemblage ? Et c'est vraiment avec ces trois questions en tête qu'en 2013, avec ma collègue Marie-Hélène Diaz-Merino, on a entrepris la réévaluation complète des lésions présentes sur ces individus, et puis aussi en collaboration avec François Bon, la réévaluation de l'industrie lithique associée à ce site. Daniel Antoine, vous êtes en direct bien sûr de Londres. Vous présentez des objets au British Museum, des fameux objets de Jebel Saaba ? Oui, nous avons deux des squelettes, ceux que vous avez utilisés sur l'image de votre site internet, qui sont en vitrine dans une de notre galerie. Et on les a installés en 2014. Donc, j'ai demandé à Isabelle, ses collègues, d'étudier les squelettes avant qu'on fasse l'installation pour qu'ils puissent faire partie de cette analyse. Et c'est un aspect où on peut approcher certains thèmes et les présenter, par exemple le sujet de la violence, mais comme vient juste de dire Isabelle, on avait beaucoup de questions où certaines analyses n'avaient pas vraiment répondu d'une manière assez précise. Et c'est en raison, c'est que la plupart des études, des méthodes que nous utilisons aujourd'hui, par exemple les méthodes pour déterminer l'âge de la mort d'un squelette, confirmer le sexe, mais aussi les études de balistique pour essayer d'interpréter les blessures sur les os, n'existaient pas dans les années 60 quand Wendorf a découvert ces squelettes. Daniel Antoine, qui était Fred Wendorf? Il a d'ailleurs donné l'ensemble de sa collection au British Museum. Oui, il a fait du travail remarquable dans cette partie du monde et dans les années 90, il a décidé de donner cette collection au British Museum. Et je pense, c'était avant que je travaille au British Museum, mais je comprends que son idée, c'est que le British Museum pouvait garantir l'accès en perpétuité aux personnes qui s'étaient intéressées de faire plus d'études sur cette collection très très importante. Et donc, au British Museum, vraiment, on a une étude, on a une collection du monde pour tout le monde. Donc, une partie de mon travail, c'est d'inviter des gens, faire de la recherche et supporter ces réanalyses. En fin de compte, une chose vraiment incroyable, c'est que le plus la science évolue, le plus on peut réanalyser les mêmes, dans ce cas, les mêmes squelettes et découvrir de nouvelles interprétations plus approfondies. Isabelle Crèvecœur, plantons le décor. Où se trouve le Djebel Saaba? Au Soudan, mais où? Oui, il se situe au Soudan, vraiment à la frontière avec l'Égypte. On est en Nubie. C'est un site qui était le long de la vallée est du Nil. Et actuellement, eh bien, ce site est immergé. Hein, donc, il est recouvert par le lac Nasser. Donc, on n'y a plus accès. Daniel, Antoine, diverses datations semblent attribuées, avaient été attribuées donc à cette nécropole. Tout ça était assez flou, la chronologie exacte n'était réellement pas définie. Vous avez travaillé sur le sujet. Oui, avec un collègue du CNRS, Antoine Zazo, je l'ai approché. Comme je l'ai dit, une partie de mon rôle, c'est d'approcher les gens qui peuvent nous aider à approfondir nos connaissances sur les collections. Et Antoine est un spécialiste du carbone 14, mais l'analyse de la partie non organique, donc c'est la bioapatite. Apatite, oui. Et désolé, mon français n'est plus aussi fluide qu'il devrait l'être. La bioapatite est vraiment le nouvel élément capital, notamment pour étudier les squelettes en milieu désertique. Ça, c'est vraiment là une très grande nouveauté. Voilà. Exactement. Et une partie du problème, c'est que la partie organique ne survit pas, surtout avec des squelettes aussi anciens. Et donc, on voulait confirmer la seule date que Fred Wendorf avait pu découvrir. Donc, il pensait que les squelettes avaient au moins 13, 12 ou 13 000 ans. Et en fin de compte, la recherche avec Antoine Zazo a confirmé qu'en effet, ils ont au moins 13 500, peut-être autant que 18 000 ans. À cause de la méthode de la bioapatite, en fin de compte, ça nous donne un âge minimal, et donc il pouvait être encore plus ancien. Donc 18 000 ans, c'est vraiment vraiment, ça serait une nécropole extrêmement ancienne. Mais même à 13 400, c'est la date minimale qu'on a déterminée. C'est ça. Djebel Saaba est quand même la nécropole la plus ancienne de la vallée du Nil. Et oui, on est au paléolithique. On connaît l'attribution culturelle de ces individus de Djebel Saaba. En tout cas, on les pense en tant qu'une communauté de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, c'est bien ça? Et qui seraient peut-être éventuellement sédentaires. C'est quelque chose de très important, bien sûr. Isabelle Crèvecœur? Oui, alors l'attribution culturelle, c'est compliqué, hein, puisque c'est basé principalement sur l'industrie lithique qui est associée au squelette. Et il se fait que dans ce cas-là, probablement, cette industrie lithique, elle est liée aux armes avec lesquelles, les fragments d'armes avec lesquels ces individus ont été enterrés encore dans leur corps. Donc, quelque part, on n'a pas de site d'occupation qui est associé au cimetière. On ne sait pas si les individus enterrés à Jebel Saaba faisaient l'industrie qui a servi aux armes qui les ont malheureusement tués. Et on pourrait imaginer que ce soit une population qui soit associée à une autre industrie lithique, une autre culture lithique. Parce que dans la vallée du Nil, à cette époque-là, entre, on va dire, pour être large, 20 000 et 10 000, ou 18 000 et 13 000, on va avoir d'autres industries lithiques qui existent et qui existent sur des sites à proximité de Jebel Sahaba. Donc on peut tout à fait imaginer que ces individus ne soient pas spécifiquement associés à cette industrie-là. Alors parlons deux mots de peut-être de cette industrie lithique, Isabelle Crèvecœur, qui est quand même très très particulière. On n'a pas de vraies pointes de flèche très belles comme on connaît dans le néolithique. On a des sortes d'éclats, voire même des grattoirs qui sont fichés dans les individus. Oui, c'est ça. Donc, l'industrie, elle a un nom, elle s'appelle le Kadan. C'est une industrie microlithique. Ça veut dire que ce sont des petits éclats qui vont être utilisés dans cette industrie à éclats et à lamelles. Dans leur étude, en tout cas, on peut voir une sélection des pièces en fonction de certains tranchants. L'analyse permet de dire que sans doute c'était des flèches où il y avait des pointes, et puis il y avait peut-être des petits éclats qui étaient emmanchés sur le bord du fût des flèches ou des lances, ce qui permet à la fois d'avoir une pénétration très efficace hein, dans les corps, et puis peut-être que ces petits fragments, une fois qu'ils étaient dans le corps, quand on enlève le projectile, eh bien ils vont rester en partie dans ce corps et causer donc de grandes blessures. La Donc mort à moyen c'est terme. voilà la mort à moyen terme, exactement. Donc c'est vraiment une industrie qui a ses caractéristiques, mais qui se retrouve aussi dans les autres industries qu'on retrouve dans la vallée du Nil. Même si la manière de faire n'est pas toujours la même, et c'est pour ça qu'on a des noms différents pour ces différentes cultures, on est quand même toujours dans ces industries microlithiques. Combien d'individus Wendorf a-t-il fouillé, Isabelle Crèvecœur? Alors, il en a fouillé, il y a 64 individus qu'on a pu identifier. Nous avons pu travailler sur 61 individus qui sont conservés au British Museum. Il y en Mais a trois trois auraient été perdus, semble-t-il. oui, qui ne sont plus pas présents. Et comment étaient disposés les corps dans cette nécropole? Certains étaient regroupés, il y avait visiblement des tombes doubles, des tombes multiples. Oui. Donc il y avait des tombes individuelles, voilà, des individus seuls dans une tombe. Il faut imaginer des tombes donc en fosse. Les individus sont recouverts par des dalles de grès. Ils sont tous positionnés de la même manière sur le côté gauche, les bras et les jambes qui sont en position contractée, les mains proches de la tête, les pieds proches du bassin. Donc c'est très très homogène au niveau des pratiques. Et puis on va avoir des dépôts doubles, donc deux individus qui vont être inhumés en même temps, parfois multiples, donc plus de deux, on va avoir quatre ou cinq individus inhumés en même temps. Voilà, une vraie homogénéité de pratiques funéraires. Wendorf avait observé nombre d'impacts de flèches, la reprise de l'étude en livre encore plus. Oui, donc nous, on a pu, originellement, Fred Wendorf avait identifié 20 individus avec des traces de trauma ou de possibles traces de projectiles. Nous, on en a ajouté 21 de plus. Donc maintenant, on a 41 individus qui présentent des lésions, des traumas sur les 61 étudiés. C'est énorme. Et c'est assez conséquent. Et on a pu identifier une centaine de lésions supplémentaires. Et ça, c'est vraiment l'approche microscopique qui nous a permis d'identifier ces lésions. On a vraiment fait un travail exhaustif de révision de tous les ossements et une analyse systématique de la moindre lésion au microscope pour pouvoir identifier ces nouvelles traces. Quelle partie des corps porte des lésions? Est-ce qu'il y aurait eu d'ailleurs différentes armes? Alors, d'après à la fois certains types d'impact et certaines traces sur les ossements, on peut tout à fait imaginer différents types d'armes, et c'est quelque chose qui est corrélé avec les données aussi sur l'industrie lithique, qui suggère à la fois peut-être des flèches et des lances et des armes plutôt lourdes, donc et plus légères. On a des traces aussi qui permettent de prouver cette idée d'emmanchement, donc des stries parallèles, subparallèles à certains endroits qui montrent que le projectile est entré et a blessé à différents endroits. Ça ne peut s'expliquer que si des petits éclats étaient emmanchés le long des fûts de flèches, par exemple. France Culture, Carbone 14. Vincent Charpentier. Certains individus ont bien sûr des flèches dans la cage thoracique, le long du rachis, même éventuellement dans le palais. Une chose très intéressante, il y aurait un fort pourcentage de fractures de parade chez les femmes. Ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique. Oui, alors par rapport à la position des lésions, par exemple celles qui sont clairement liées à des projectiles, à des impacts de projectiles, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. On a vraiment des lésions qui sont principalement au niveau du bassin, au niveau de la partie des cuisses par exemple, proche du fémur, un petit peu au niveau des épaules et des membres supérieurs et du thorax. Évidemment, il y a toujours la difficulté d'identifier les lésions de manière générale, voilà, de pouvoir dire la fréquence qu'on observe, elle est aussi dépendante de l'endroit du corps qui peut marquer finalement ces lésions. Des flèches au milieu de l'abdomen auront moins de chances de laisser des traces que au niveau du pelvis. Et après, c'est au niveau des fractures où effectivement, des fractures même souvent consolidées, c'est-à-dire guéries, où on va avoir une différence entre hommes et femmes. Alors, elle existe pour les femmes. On a plus de fractures de parade, c'est-à-dire des fractures de l'avant-bras, souvent quand on essaye de se protéger, de mettre donc cet avant-bras peut-être devant la tête ou autre, et on va recevoir un coup direct. Donc ça indique aussi des combats peut-être plus rapprochés. Les hommes, contrairement aux femmes, ont plus de fractures au niveau des ossements de main. Et là, on peut évidemment se poser la question, peut-être, de réactions instinctives dans des combats rapprochés, avec des comportements qui vont être différents entre les individus. Mais au niveau vraiment des marques d'impact de projectiles, de la région anatomique qui va être visée, on n'a absolument aucune différence entre les hommes et les femmes. Il y a une légère différence entre les individus adultes et les individus immatures, les enfants. On voit chez les enfants que les tirs de projectiles sont plus souvent orientés vers la tête, ou en tout cas c'est là où on a le plus de traces d'impact de projectiles. Et au niveau des fractures, c'est la même chose. C'est souvent au niveau de la tête, du crâne, qu'on va documenter ces fractures. Et de nouveau, on peut imaginer peut-être des comportements différents en fonction des événements auxquels ces individus ont été soumis. Certains auraient été même multifléchés, une sorte de surfléchage, ce que l'on appelle en anglais le « lover killing », pour reprendre l'idée de Jean Guilaine. Il y a quelques cas sur l'ensemble du cimetière, on peut dire 4, 5, où effectivement cette question peut se poser parce qu'on va retrouver une vingtaine d'éclats lithiques dans le volume du corps. Donc là, c'est quelque chose, on a pu montrer à travers cette étude que les fragments d'éclats de silex retrouvés dans les tombes ne venaient pas de la surface. C'était vraiment quelque chose qui était là dès le début, dès le moment où le corps a été enterré, et quand c'est retrouvé dans le volume du corps, on peut imaginer, voilà, que c'est resté fiché à l'intérieur. Et retrouvé une vingaine d'éclats, des traces qui montrent des projectiles qui viennent à la fois de l'arrière, à la fois de l'avant. On peut évidemment se poser la question de cet acharnement qui a pu avoir lieu pour certains individus. Et de nouveau, il n'y a pas de différence hommes et femmes. C'est-à-dire qu'on a des cas d'acharnement potentiel sur des femmes comme sur des hommes. Daniel et Antoine, hormis ces projectiles, les tombes n'ont livré aucun mobilier funéraire? Même pas non, une petite parure? Non, c'est ça qui est assez intéressant, mais ce que ça nous démontre, c'est qu'il y avait un élément de croyance, parce que tous les corps ont été placés à peu près de la même manière, le visage qui regarde l'est, la tête en direction du nord. Donc vraiment, on a l'émergence non seulement de la violence, mais aussi une communauté qui voulait vraiment enterrer ses morts d'une manière très très précise. Isabelle Crèvecœur, leur interprétation comme témoignage de mort de masse due à un conflit armé unique restait débattue. Vous reprenez bien sûr le sujet. Alors regardons tout d'abord la position des lésions. Qu'est-ce qu'elles nous racontent justement sur le fait qu'il ne pourrait pas forcément s'agir d'un unique événement ? Alors, au niveau des lésions, il y a peut-être deux arguments qui permettent de soutenir cette hypothèse, mais peut-être ce ne sont pas les plus forts, mais je vais les évoquer. C'est à la fois l'orientation des projectiles. On voit qu'il y a des projectiles qui viennent de l'avant, il y a des projectiles qui viennent de l'arrière, donc des individus qui ont dû être attaqués alors qu'ils essayaient peut-être de prendre la fuite. Donc on n'est pas dans cette image d'un conflit face à face armé entre deux groupes humains. Et puis on a évidemment cette présence de lésions cicatrisées. Alors que des fractures soient cicatrisées, ça c'est une chose, mais quand on a des lésions d'impact de projectiles cicatrisées, ça veut dire que les individus qu'on a retrouvés à Jebel Saba ont vécu d'autres événements de conflits interpersonnels avec des projectiles. Donc ça, c'est quand même une image très très forte. C'est pas un seul événement. Il y a des individus qui ont plusieurs traumas cicatrisés. Alors on peut pas savoir si c'est au même moment ou combien de fois dans leur vie. Mais par exemple, le plus jeune individu, c'est un adolescent qui a à la fois un trauma cicatrisé et un trauma non cicatrisé. Donc à l'échelle de la vie d'un individu adolescent, il a déjà vécu deux événements traumatiques. Et après, les arguments qui permettent vraiment de défendre cette idée d'absence de conflit unique, c'est d'une part, au niveau funéraire, on a des tombes qui vont être perturbées par le dépôt d'autres individus. Pour perturber un dépôt, un squelette, il faut qu'il soit à l'état de squelette, justement, qu'il n'y ait plus les parties qui soient rattachées. Et donc ça peut prendre quelques années. Donc on voit qu'on a une succession de dépôts funéraires dans cet assemblage, malgré tout très homogène, qui se fait au cours du temps. On n'est pas dans un dépôt unique où on aurait enterré tous les morts d'un conflit. Et le dernier argument qui pour moi est le plus important, c'est ce qu'on appelle le profil démographique de ce cimetière. Quand vous avez un cimetière qui est associé à une crise démographique, ça peut être une épidémie comme une guerre, eh bien vous n'allez pas avoir les mêmes représentations d'âge dans le cimetière que dans un cimetière normal. Et pour ça, il faut simplement imaginer que la population vivante et la population qui est enterrée n'ont pas le même profil démographique. Dans une population vivante, on va avoir beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes, et un peu moins de personnes âgées et de très jeunes enfants. Et dans un cimetière, en tout cas préhistorique, ou en tout cas pré-industriel, on va avoir beaucoup d'enfants très jeunes et beaucoup d'individus vieux qui vont être enterrés. Et puis la partie de la population jeunes adolescents et jeunes adultes, en fait, va être en général sous-représentée dans un cimetière. Ça, c'est un profil normal. Donc, à Jebel Saaba, en regardant ces profils de mortalité, on se rend compte qu'on est tout à fait dans un cimetière classique, avec très très peu de jeunes adolescents, d'adolescents et de jeunes adultes présents dans ce cimetière. Donc, on n'est pas en présence d'un cimetière de catastrophe. Pour vous, Daniel Antoine, ces événements semblent s'être déroulés sur une période assez courte dans l'échelle du temps ? Ça, c'est une chose qui est très, très difficile à répondre, mais certainement, cette nouvelle recherche montre que pour moi, les traumatismes guéris vraiment nous disent que cette population a été exposée à plusieurs événements violents, et donc ça nous donne une idée que la vie devait être très très dure, et la cause de la violence peut être assez complexe, mais une partie de nos études a été de contextualiser les événements dans ce qui se passait au point de vue du Nil durant cette période, et on pense que le Nil était très erratique, qu'avec le climat devenait plus sec, et donc, en fin de compte, ça concentrait les populations sur la bord du Nil, mais parce que le Nil avait ce côté erratique, il y avait énormément de compétition pour la nourriture, un environnement où on pouvait faire de la cueillette, aussi trouver des animaux pour se nourrir. Donc vraiment, mais ce nombre de traumatismes qui inclut les traumatismes guéris, vraiment, nous disent que il y avait vraiment un nombre d'événements multiples. Donc, ça peut nous donner une appréciation de la difficulté de la vie durant cette Bien période. sûr. Isabelle Crèvecœur, quelles seraient les autres causes de cette violence récurrente, le climat, par exemple? Oui, alors c'est évidemment un ensemble d'hypothèses, hein. Nous, au niveau archéologique, on va pouvoir apprécier les données venant de la géologie, du paléo-environnemental, qui nous donnent des informations sur le contexte environnemental dans lequel ces individus ont vécu. On a les données archéologiques qui nous montrent où étaient situés les sites archéologiques. Et donc, évidemment, à partir du moment où on a très très peu d'endroits où les populations humaines pouvaient vivre, parce qu'on voit une contraction des populations le long de la vallée du Nil pendant cette période entre 20 et 10 000 ans, et qu'on ajoute à ça des stress climatiques, parce qu'on va passer d'un environnement hyper aride aux alentours de 20 000 ans à un environnement beaucoup plus humide, mais avec des transitions qui ne se font absolument pas de manière graduelle, mais de manière extrêmement abrupte, et avec des retours vers des climats beaucoup plus arides. On peut imaginer que tout ça a forcément créé une pression sur ces groupes humains qui, en plus, présentent des industries lithiques et donc peut-être des cultures différentes. Donc peut-être qu'il y avait des groupes qui étaient Isabelle structurés Crèvecœur, je et... vous coupe car nous finissons l'émission. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Isabelle Crèvecœur et Daniel Antoine pour cette très belle étude. Et puis merci aussi d'avoir été donc en direct. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Audrey Guélil et bien sûr avec la complicité de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France. Vous retrouvez plus de 300 archives sur le site ina.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons la grande révolution sous le titre « Sois néolithique chérie ». Enfin, demain, à 16h, Victor Massé de Lépinay évoquera l'archéologie dans son émission Le Rayon BD. France Culture, l'esprit d'ouverture.